avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion Pas de problème. Ici Frédéric Barbouchy en compagnie d'Antoine Vézina. Salut Fred, comment ça va? Ça va bien toi Antoine? Ça va très très bien, je te remercie. Jean-Philippe Durand? Salut Fred, salut Antoine. Ah salut, comment ça va? Tout le monde mange ici, qu'est-ce qui se passe? T'as donc bien changé Antoine. Oui, je m'entraîne. Mmh. Ah. Non, je vous niaise. Je m'entraîne une caisse. Hey, Mathieu Houillon. T'as, bonsoir, salut. Salut. Je me suis mêlé dans mes trois mots. Hein. C'est comme ça, les gens. C'est bon, ça, salut. On aurait dit du François Pérus. Comme en mathématiques dans négatif, deux jokes. Oui, de comme... Vraiment. Messieurs, pas de problème, comme chaque semaine. On reçoit un problème, on aborde le problème, on offre des solutions. Exact. Et, on en parle autour des chips. Oui. Ouais. Mm-hmm. Des fois, on divague, puis ça va trop loin. Voilà. On a un concours aussi. Allez voir sur Facebook. Faut pas faire ça à chaque semaine. Oui, moi, je vais en parler à chaque semaine parce que je magasine. Je me promène dans les boutiques, puis je cherche le prix. À date, y a-tu des affaires qui t'ont parlé? Mais il y a Jay Benoît qui écrit ouais. « Mettre en fonction une loi qui oblige tout le monde d'être heureux. » Oh, tellement impossible, ça. C'est quoi, cette loi-là? Olivier Dumont-Pichette, un peu têteux, qui écrit « La meilleure façon de changer le monde est de faire entendre au monde tous vos podcasts. » Ben là, il a la solution, lui. Bon, mais le concours est fini. C'est fait. C'est beau, mon gars, t'as gagné un Pops. T'as dit la chaise berçante que t'as achetée. Il va l'avoir. Je n'ai rien de clair. Est à moins, cette chaise-là. Arrête de manger. Tout le monde la veut. Il mange quelque chose qui fait pas crunch-crunch. Jean-Philippe? Oui. Lecteur de problèmes officiels de Pas de problème. On est prêts, on y va. 106. Comment évincer illégalement des locataires? De Charles Messier, alias notre ami Le Cube. Le Cube? Hein? Le Cube. Choc. Le Cube. Pouvez-vous faire Le Cube, Pierre Lebeau? Le Cube. Le Cube. OK. Le Cube. La mort va venir chercher le cube. Donc, si on sait... Oui. Permettez-moi. Excusez-moi, là, c'est fascinant. Allez-y. Si on sait ce qui est... Comment évincer un locataire légalement, on saura donc, par définition, comment l'évincer illégalement. Mmh. Ici, au Québec, la régie du logement. Casser un bail. Si vous êtes locataire, vous pouvez le faire. Si vous recevez, par exemple, ou si vous trouvez un logement à loyer modique, vous pouvez casser le bail que vous avez. Si vous devenez handicapé et que ça vous empêche de profiter de votre bail, du logement que vous avez, vous pouvez casser le bail. Si vous êtes une personne âgée et là que vous avez une place dans une maison d'accueil ou dans un centre de soins de santé, vous avez le droit de casser votre bail. Bon, mais là, la solution. Si vous craignez pour votre sécurité ou si vous avez un enfant et vous craignez pour sa sécurité, vous êtes menacé par un conjoint, un ex, par exemple, vous avez le droit de casser votre bail. Le propriétaire a le droit de mettre des locataires à la porte s'il fait une reprise, donc pour loger quelqu'un de sa famille, à un degré. C'est ça. Ça peut pas être le même degré. Hein. C'est un degré de différence. Donc, les parents, les enfants, si vous voulez agrandir, subdiviser ou changer l'affectation, donc le rôle de votre logement, vous pouvez les mettre à la porte. Si votre locataire sous-loue depuis plus de 12 mois, vous pouvez demander à casser le bail puis faire non, ben là, c'est assez. T'habites pas ici, tu ne fais que sous-louer. OK. Évidemment, si le locataire habite seul et décède, vous avez le droit de casser le bail. Vous n'avez pas le droit de le louer pendant 5 ans. Ouais, non, sinon, évidemment, des motifs valables. Mais là, ça serait sur présentation de certaines preuves. Il fait trop de bruit, il y a des activités illégales, des choses comme ça. Également, à partir du moment où vous n'avez pas payé votre loyer pendant 3 semaines, vous pouvez engager des procédures pour casser le bail. 3 semaines, non, ouais, c'est pas long. Mais, non, mais après 3 semaines, tu peux commencer. Des procédures qui durent à peu près un mois et demi, parce que là, ils envoient des lettres, il faut payer. Puis si quand tu arrives au bout de toutes les patentes à faire, que tu n'as toujours pas payé, là, ils s'en vont. Mais donc, même si tu n'as pas payé après 3 semaines, pour moi, tu as encore du temps pour le faire. Mais tu peux commencer après 3 semaines. Okay. Donc, tout ce qui est en dehors de ça est illégal. Vous avez un problème? Nous avons un podcast. Bravo, Antoine. Illégalité. C'était vraiment intéressant. Oui. Hein? Fascinant. Oui, j'ai bien aimé ça. Moi, j'ai compris tous les mots, en plus. C'est moi aussi, c'était clair. Ça m'arrive. C'était concis. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Ah, regarde, tu m'as concis, là, tu m'as perdu, par exemple. Ah, ouais, non, je voulais dire. Alors, soit induire un de ces événements-là, le tricher ou faire semblant. Ouais. Il a trouvé une place dans une maison de personnes âgées, mais il n'est pas âgé. Fait que c'est illégal. Non, mais dire, hey, c'est mon père qui vient habiter ici, mais c'est pas ton père qui vient habiter ici. Ouais, ouais, ouais. Ah, tu triches, là, tu sais. C'est tu mon bébé qui vient habiter ici, puis c'est. Est-ce que voyons, le truc Wayans, là, qui est déguisé en bébé noir. Damon Wayans, Damon Wayans, qui est déguisé en bébé noir. Ça, je pense, ça serait illégal. Ouais. Il se transforme demain, mes autres. Non, mais c'est ça, tu donnes un appart à ton bébé naissant, là. Peut-être. Il faut qu'il ait son bachelor pad. Son espace. Ouais. Tu pourrais-tu aller à la régie du logement en disant « Je mets mon locataire à la porte, il est dégueu, regardez-le. » Et la photo, tu mets la photo du le gars dans Charlie Brown qui a de la poussière qui vole autour. Oui, oui, oui. Mais... Ah, je pense que ça pourrait fonctionner. Mais ça, peut-être avancerais-tu, ça? Mais tu vas peut-être te faire répondre. Mais c'est j'ai une question pour toi, Antoine. Oui, je t'écoute. Est-ce que c'est possible pour quelqu'un, disons, moi, plus tard, j'ai 3 enfants. Oui. Je leur achète un triplex. Oui. Un étage par enfant. Un qui pue. Est-ce que je peux sortir tout le monde en même temps? Il y en a un qui souffle sur de la paille. Oui. Mais moi, je pense que oui, tu as le droit de la reprise pour la famille immédiate. Évidemment, il y a des conditions. Il faut que tu avertisses. Si on trouve au moins une affaire de même. Mais ben oui, pourquoi pas? Okay. Je me demandais si c'était juste toi, le bébé. Je te dis ça, je le sais pas. Parce que je connais un de nos amis communs, son bloc a été acheté par quelqu'un, donc il a acheté ça pour ses fils. Puis je sais pas si finalement ils peuvent le faire ou pas. Okay. Je sais pas comment ça marche. Mais on vous rappelle aussi, ça me permet de rappeler aux gens que tout ce que vous entendez dans Pas de problème, faut pas prendre ça nécessairement pour du cash. Non, c'est vrai. Voilà. À part ce qu'Antoine dit, moi, je trouve ça quand même assez... Non, arrête, ça vient directement. Tu te rappelles pas Google Plus? J'ai fait une erreur. Non, mais je lisais sur Internet. Non, c'est l'erreur. Vous me ramenez ça. On a fait 106 podcasts. On m'arrête dans la rue pour me remercier. Merci, Antoine, ce que tu as dit nous a aidés. Si cette fois-là, on a vu l'erreur, combien de fois on l'a pas vu? Et moi, vas-tu Google Plus? Je m'en rappelle pas. Je sais même pas encore c'est quoi Google Plus. Bon, tu vois, continuons. Non, mais il disait... Arrête! Non! J'ai fait une erreur. C'est non. Les gens s'écrivent non, pas c'est sur non, Facebook par message. Non. Oh. C'est pas ça que j'ai dit. Antoine, c'est impardonnable. C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. Tes maudites feuilles. C'est pas ça que j'ai dit. Non. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a du monde qui nous prennent trop au pied de la lettre. Là, je pense qu'il y a plein de gens qui ont poursuivi en justice des moufettes qui pètent. Pour des accidents de la route, des choses gardes, là. Vraiment, je connais quelqu'un qui s'est débarrassé de son chat qui bavait trop. Oui, oui. Des calendriers ont été imprimés au nom de Vendredi. Oui, oui, sinon, on a eu tout un podcast, je pense, devant public. Oui. Quelqu'un qui avait un voisin qui faisait trop de bruit. Oui, exactement, un voisin. Comment le convaincre de partir? Il y a ces moyens-là aussi, d'introduire des rats dans son appartement, mettre de la musique, faire des parties, appeler la police, planter de la drogue, le faire arrêter, le tuer. Mais ça, on en a parlé beaucoup. On a parlé beaucoup. Mais vraiment, le cas de propriétaire avec un locataire. Ouais. Mais n'a-t-on pas déjà eu, sincèrement, un podcast sur... Non, c'était comment... Voyons, c'est... Partir des voisins. Non, c'était comme comment savoir que ton locataire... Fume ou pas. Fume, oui, c'est vrai. Ah, ouais, c'est vrai. C'était, la solution préférée, c'était tomber sur ses doigts. Ah oui, oui. Oui, ça, tu sais. Non, mais... peut-être une... J'en rajouter une, là. Oui. Comment sortir ça? Faker... Une maison hantée. Oh! Hein? Mais mettre un masque qui s'enlève pas trop facilement et surtout pas inviter un chien et sa bande de détectives en herbe. Oh! Oh! Bravo! Oui, parce que là, ils voyaient tout ça. Ce qui est illégal au Québec, c'est de demander un pas de porte. Un pas de porte. À la signature du bail, de demander un montant, père. Ouais, ouais. Hein? Alors moi, je te loue ça 600$ par mois, mais... Quand tu arrives, ou à chaque année, je te demande 1000$ juste pour qu'on commence à dealer. C'est illégal. Mais c'est possible de donner un montant à des locataires pour les sortir. Une entente en argent est possible. Ben oui, ben là, tu peux toujours acheter le bail, là, si les gens font. S'ils quittent, là. Mais même pas, tu peux donner plus haut que ça. Tu peux dire, je vous donne 8000$ si vous partez la semaine prochaine. Ben non, mais si les deux parties s'entendent, selon, est-ce que tu as un contrat que toi avec eux? Si tu leur parles, tu fais, moi, ça m'arrangeait, vous partiez, puis ils font, ben oui, nous, on part, ça nous dérange pas. Je pense que de gré à gré, Tu brises le bail, il n'y a pas de trouble. S'ils font, ben donnez-nous 3000 piastres, puis on s'en va. J'ai une amie qui s'est faite sortir de chez elle. Elle vient de déménager. OK. Puis c'était dans le Myland. Puis son propriétaire arrêtait pas de faire des espèces de visites illégales de groupe chez elle sans demander. Fait que ça cognait à la porte, puis il y avait 25 personnes qui rentraient, d'une shot, pour tout visiter l'appartement. Régie du logement? Ouais. Ben, moi, je sais, là, je connais pas les détails, mais il y a des heures de visite, faut que tu avertisses avant, tout ça, avec le propriétaire. Puis ça avait l'air super, la régie du logement. J'ai été conscient d'un appel qu'elle a fait, tout ça, puis elle a jasé une bonne heure avec la personne. Ça avait l'air fiable, du moins, en tout cas. Moi, ben, je pense que oui. Ouais. Mais lui, est-ce qu'il est propriétaire ou est-ce qu'il. C'est ça l'affaire. Il a l'air propriétaire. Il a l'air propriétaire, puis il veut mettre un locataire à porte. Des locataires, c'est écrit des locataires. C'est des gros locataires, j'imagine. Oh non! C'est un logement. Mais tu sais, dans le fond, c'est de donner envie à ces gens-là de quitter, là. Donc. Une idée qui peut être bonne, c'est de retrouver l'acteur qui faisait Barracuda dans Robin Stella. Oui, mais c'est le metteur en scène. Oui, il est quand même reconnu aujourd'hui. En tout cas, mais c'est de lui faire prendre son personnage effrayant de l'ombre noire aussi, là, tu sais, puis qui pourrait harceler, là. Non? Là, oh, c'est... Oui, ça me fait j'aimerais ça, mais j'ai pas l'air. Ouais. L'ombre noire! L'ombre noire! Oui. Mais c'est ça, ben... juste faire habiter avec... inviter le gars qui habite en haut de chez Stéphanie, qui nous avait proposé son problème. Oui, mais oui, il est oui, à habiter avec toi. Crise d'opportunité. Le DJ au City Bar, là. Oui, c'est ça. Ou que, là, n'importe quel autre DJ. Douteux. Ou devenir DJ au City Bar pendant quelques temps. Benoît Vermeulen. Benoît Vermeulen, voilà. L'ombre noire. Mais peut-être que Charles veut... que c'est lui le DJ au City Bar, puis il veut que Stéphanie s'en aille, puis là, il nous utilise, nous, pas de problème, pour se passer des messages. Tellement! Ah, ça va être un match nul. Fait qu'il y a un combat de solutions dans le combat. Ça va être très assis dur. Un à côté de l'autre, en plus. Ouais, fâchant pour nous autres, là. Ils se battaient un peu. Ils se battaient. Mais ils se donnaient des coups dans la fourche. Ouais. Bon. Ouais. faire partir quelqu'un. inventer un voisin fouineux aussi, tu sais, comme inventer un personnage de vieille fouine, là, qui irait tout, là. Ah, oh, j'ai connais tout votre vie. Conçu par Marie-Lise Pilote. Oui. Ah, je suis méchant. Oui. Mais tu sais, si ma fille ou gars, mais plus, ça marcherait mieux avec les filles, mais tu sais, d'engager un de tes amis, là, pour qu'il soit comme. Voyeur. Non, mais qu'il prenne des photos de loin, puis que, tu sais. Là, un moment donné, elle fait « Voyons, c'est quoi, qu'est-ce qu'il pense? » Puis là, sur sa porte, il y a une photo d'elle prise au loin. Recréer un genre de film de David Lynch écœurant, là, tu sais, avec des cassettes vidéo, là, ça serait bon, là. Faire comme... Ah, beaucoup de temps. Puis là, la personne fait « Ouais, c'est peut-être mieux de partir ici. » Mais c'est ça, mais illégalement... en tant que propriétaire, on peut augmenter le loyer, mais tu peux exagérer. Bon, il y a des normes. Demander des exigences, des avances sur le loyer. Pas faire les réparations exigées, pas répondre à tes responsabilités. C'est sûr qu'un locataire, à un moment donné, fait « Bon, ben moi, je me tanne, je m'en vais. » Je pense qu'illégalement, c'est sans se faire voler. Pardon, sans se faire pogner. Pogner, oui. Donc ça, tu... Ben non, mais t'espères pas te faire pogner. Oui, mais là, illégalement, sans se faire pogner... Toujours faire des rénos. Ah oui, trop tannant, là. Puis t'es fini pas, des fois, tu sais, tu repars. C'est bon. Moi, j'avais un propriétaire qui me gossait. Là. À chaque fois qu'il venait chercher le loyer par mois, il rentrait puis il voulait quasiment s'asseoir avec nous autres en nous jasant. Ah, ouais. Comment ça va, vous autres? Qu'est-ce que vous faites? Telle affaire. C'était toujours une job de 40 minutes de venir chercher le loyer. Ouais. T'avais envie d'y enlever 40$ de salaire, là, de dire, hey, là, je me sers avec toi. Là, mais il était fin, là, mais c'était juste... Trop loin, chercher une enveloppe, c'est tout. Là. Non, mais Charles pourrait devenir un personnage de propriétaire en haïssant. Très amis, là. Essayer d'être trop avenant. Peut-être le personnage d'un sitcom un jour, qui sait. Ouais, genre... Salut, salut! Salut! Dans Vivre à trois, là. Ouais. Quand... Monsieur Roper? Furling. Furling? Ou genre, quand j'ai des locataires, j'aime qu'ils me prennent dans des photos de boudoir dans l'appartement que je leur loue. Il faut qu'ils prennent des photos cochonnes de Charles, puis... Ça met les gens mal à l'aise. Tu pourrais pas inventer une histoire d'ancien locataire? T'sais, Charles pourrait dire, ouais, ben, il y a eu beaucoup de... C'est un appartement suicide. Là. Ouais, ah, c'est bon, ça. Classique. Une douzaine de suicides. Ah oui! Ou tu sais, comme arriver un jour, puis là, comme, bon, ben, c'est les 5 ans aujourd'hui. Les 5 ans de quoi? Ben, du suicide collectif qu'il y a eu ici. Je suis étonné que vous soyez encore vivant. Juste arriver après ce mois, puis leur dire... Avez-vous entendu quelque chose dans la place? Non, je suis correct. Je suis pour savoir. Des fois, ça arrive, il y a des petits bruits, des choses qu'on ne sait pas. Faire venir un exorciste aussi. Là, c'est ça, un prêtre. Chantal Lacroix. Chantal Lacroix, la médium. Oui. Mais peut-être... Avec une table, tu as juste une table. Oui, il y a... Tu sais, créer un malaise où tu fais que de la violence conjugale dans ta maison. Puis là, ils font comme... Ah, voyons, ils sont clairement en train de se battre, là. Ouais. Oh, Dieu. Puis là, ça vient lourd. Oui, c'est ça. Puis là, tu sais, comme. Ah, oh, je suis pas à l'aise, là. Faut que je déménage. Ah, oui. Faut que j'appelle la police. Des jeux érotiques très, très forts, là. Ouais. Qui ont l'air de se battre, mais finalement. Ou qui entendent le propriétaire dire, genre, ma tabarnak, moi te mettre le feu, puis moi mettre le feu dans le bloc, tu sais, comme vous dites, faire de ouais. même, là. Pour qu'elle part pour leur sécurité. Ma tabarnak. Faire à croire que. Tabarnak. Faire à croire qu'à ton étage, il y a des punaises de lit. Oh! Oui, c'est bon! Ouais. Ou en mettre! Juste dire, regardez, c'est votre choix, c'est votre choix. Je veux pas vous sortir, mais sachez que j'en ai, puis il va peut-être en avoir bientôt ici, fait que c'est vraiment votre décision. Là, de... Ou engager des finissants de Saint-Hyacinthe dans le rôle de punaise de lit, tu sais. Oui, vraiment. Ils sont comme cachés, recroquevillés, puis ils croient au bout. Ils vont juste bouger comme des punaises, ils interprètent la punaise de la punaise. Ah, vous êtes bon! Oui, Oui, mais tu sais, beaucoup de va-et-vient, là, faire comme si c'était un... J'essaie de voir. Non, c'est une piquerie, une affaire. De, moi, de... qu'est-ce qui m'aurait poussé à partir de mes apparts, tu sais? C'est bon, ancienne piquerie, hein? Tu sais, genre, du monde déguisant junkie, là, qui arrive à 4 h du matin, là. Le locataire dirait, ben, c'est plus ici, là. Comme... Ouais, tu leur expliques ça, oui, c'est un dealer de drogue en haut, là. Puis le monde ne sont pas au courant, ça peut durer. Ça peut arriver encore. Ça cogne tout le temps. Menaçant, des fusils. Tu fais, OK, c'est bon, on va y aller. Leur dire que tu as une plug pour les assurances, dès que. Leur dire, mettons, vous pouvez passer par cette assurance-là, c'est une amie, ça va vous coûter moins cher que d'autres choses. Puis tu t'arranges avec cette amie-là pour qu'elle dise, ouais, c'est c'est pas cher ici parce que, tu sais, il y a eu souvent des déductibles, des choses comme ça. Il y en a eu plus souvent. Plein de vis cachés. Ouais, puis c'est une zone de feu, de vol. Ouais. Il y a beaucoup des animaux coqués. Ça coûte moins cher. Ouais. C'est un ancien bordel. On en a au moins une quinzaine. Mais peut-être y aller, tu sais, le côté légal, c'est faire comme. Eh bien, je sais pas comment ça fonctionne pour dire que tu fais venir un membre de ta famille, là. Ouais. Pour remplir des papiers, tout ça. Ouais, mais tu sais. Sauf que. Tu les avertis. Tu commences par dire, hey, écoute, c'est. Mon frère risque de venir habiter, là. Je vais aller checker les papiers, tout ça. Puis là, tu en parles pas pendant 2-3 semaines. Puis là, tu reviens. Quand tu fais. Ah, oh, finalement, oublie ça. Puis là, tu reviens avec. Ah, oh, finalement, il veut. Puis là, tu niaises un peu, là. Ah, va et vient. Puis là, tu fais comme. Ah, faut que moi, je suis mieux de me trouver de quelque chose pour juillet parce que. Le frère, il gosse, là. Ouais. Ouais. Tu vas me faire tasser. Tu vas me faire frérer. Tu cherches les articles de journaux où ça parle de nouveaux quartiers cool qui sont pas le tien. T'es laissé un peu traîner. Les visites libres, les patentes, ainsi. Devriez être propriétaire, vous? Ouais. Hein? C'est le bon temps? Ah oui, c'est ça, dire les avantages. Ah eux, ben oui. Ah, locataire, là, c'est ça. Pour quelqu'un qui vit seul, ça coûte moins cher. Vous avez l'air brillant. L'aider à rapper, tout ça. Votre frère jumeau qui est toujours en colère, là. Vous avez besoin de plus d'espace. Chaque jour à 5 heures, tu rentres chez tes locataires, tes attends qui arrivent, puis quand ils arrivent, tu leur dis « Rebienvenue chez toi ». C'est comme, genre, juste là, oh, tannant, là, tu veux plus. T'as plié leur linge. Ah, j'ai fait une brassée. Je sais pas, je suis un propriétaire, je suis un ami. Trop chauffé. Si jamais c'est eux qui contrôlent le chauffage, là, tu mets le chauffage en piston. Ouais. Hey, mais ça, ça a pas marché pour moi. T'as ouvert les fenêtres, toi. Ben ouais, notre appartement, l'hiver, il faisait 31, là. Je suais. Mais bon, c'est correct, on ouvrait la fenêtre à moins 30. Il y avait un... Pas loin de la fenêtre, il faisait 15. Hey, quelle horreur. Je mourrais, je sais pas grave. Ouais. Mais... sur Twitter, on a Louis-Félix Trudel qui a écrit « Sortir leurs meubles, changer les serrures, déchirer le bail, détruire leur identité, faire semblant qu'on ne les connaît pas. » Oh! Sinon, Jess Wimette a écrit « À coups de pied dans le cul ou de pelle ronde, c'est selon. Salut! » Ouais, changer à serreux. Ça peut être très... Tes locataires, t'arrives, tout ton stock est sur le coin de la rue, les serreux sont changés, il y a quelqu'un d'autre dans ton appartement, tu sais, OK, bon, ben... Puis ils font, non, quel bail, je vous connais pas. Demandais à du monde de bomber un peu dans les escaliers. Ah oui, ah, ça fume, des tops, dans le coin, ouais. C'est dégueulasse. Tu payes caca dans le cours. Tu te fais taxer à chaque fois que tu rentres chez vous. Ouais. C'est ça, c'est hey, pas c'est ton belle, tes espadrilles. Si les locataires ont des enfants, molester ces enfants-là. Mathieu, non. Non, on va pas là, Mathieu. Notre émission, on va pas là. C'est ça que tu t'es retenu la semaine passée? C'est ça le dessin que t'as fait? Oui, c'est un enfant molesté par un propriétaire. Non, molester les enfants. Non. OK. Merci. Je vous remercie. On va graver ça sur des CD. Oui. Pas de problème, je chante pour l'enfant. Et sans faire, l'idée de graver, donner un CD gravé, ça fait son chemin. Oui. Même que dans les voitures de communauto, je pense que c'est la mode. Vu qu'ils ont des lecteurs CD MP3, on peut toutes les mettre sur un seul CD. Incroyable. Oui, les gens font ça. J'en ai vu. Ils se laissent des... Oui, ils mettent des CD de pas de problème. Puis c'est écrit avec une petite note. Écoutez ça. Donc, si vous êtes comme une auto... C'est beau, ça, quand même, je trouve. Ouais. Faites-le. Ah, c'est génial. Ouais. Un peu, tu sais, il n'y avait pas une affaire de se laisser un livre, là, tu sais, là. Ouais, vous pouvez laisser un livre aussi, là. C'est dans des wagons de train, mais c'est dur à lire. Ouais, non, mais il y a eu différentes... ouais. Affaires de ça, là. Il y a eu différentes affaires de ça. Laisser un livre. New York, entre autres, tout ça, mais les bibliothèques, acheter un livre, les libraires, les affaires de main. T'as fait penser trop de cadeaux? Non? Envahissant, là, encore dans le propriétaire. Ouais, envahissant, malaise. Oui, hey, moi, mon maudit proprio, il me donne tout le temps des affaires. Ouais, quand j'arrive chez nous, il a fait une brassée, il a tout plié. Hey, c'est terrible, je veux m'en aller. Ouais. Non, mais tu sais, je veux m'en aller. Ou lui présenter le pas ami à Eric. Ah il oui. Il a 2 semaines. Ouais, pour qu'il vienne tout le temps, puis il va être obligé de déménager. Salut! Juste en parlant des... Continuer sur les problèmes, tu sais, de punaise et tout ça, dire que ben, finalement, qu'il y a des problèmes de fondation, d'humidité et tout, juste dire c'est plus croche qu'on pense, fait qu'on va être obligé éventuellement de faire ça. Travaux fait que ça majeurs. Peut que je vous augmente beaucoup dans le prochain. Ouais, ouais, ouais, ouais. Juste avertir, semer le doute. Là. Mais augmenter beaucoup, de toute façon, il y a une loi. Là. Il y a des règlements, mais si t'es obligé de reculer, je sais pas trop loin. Faudrait voir. Peut-être acheter un micro comme dans l'épisode des Simpsons que Bart il y a un microphone. Le Rapmaster 3000. Oui, c'est ça. Puis, je suis le fantôme de Timmy O'Toole. Je suis tombé dans le puits, mais je hâte la vente de l'appartement. Ah, bon, ça, c'est deux affaires différentes. Il y a aussi le micro qui fait de la musique, qui fait du rap derrière. Puis tout le monde suit l'auto en dansant. Oui, oui, je me rappelle de ça. Hey, les Simpsons, une source intéressable. Ah, oui, ben oui, merci à Olivier Roberge qui nous a mis la photo. Ouais, le shotgun. Du gars avec hier. J'ai réglé à Guédaille. Je l'ai réglé à Guédaille. Ça me fait rire, trop fort. Ben, tester, faire des inventions et les tester sur tes locataires. Ouais. Genre, comme le carabine de maquillage. Ou une macaroni au fromarde. Je vous ai fait ça. Je vous ai fait ça. Une petite invention. Je pense qu'on est rendu aux solutions préférées. Oui. Hein. Oh mon Dieu. Oui. Oui. Moi, ma solution préférée, c'est sincèrement tout ce qui est hantise, là. Faire croire qu'il y a des fantômes. J'adore ça. Oui, oui. Ça me fait triper. Semer le doute. Semer le doute. Oui, oui. Ils ont entendu des bruits, là. Ouais, tu faut le bon sans dire pourquoi. Mais non, mais tu sais, s'ils sont en haut de chez vous, tu rentres. Tu mets du métal après les pattes de chaise. Puis là, avec un aimant vraiment puissant, tu fais bouger les chaises. Ah, c'est drôle. Nice. Ça devient ma solution préférée. Ah oui? Partez! Partez! Party! Party! Il s'est trompé avec l'homonyme. Partez! Ah oh, ouais, mais peut-être ça, l'année de party. Tu sais, tu fais cette année, je veux sortir mes locataires, party tous les jours. Chez nous. Chez nous. Trop fort. Mettons, t'es dans le même bloc, là. Ouais. Vraiment. Ah ouais, c'est ça, c'est pas dans le même bloc. Cette année, j'ai décidé d'écouter cours, là, le cours dans le piton. Même quand je suis pas là. Même quand je suis pas là. Hey, non, mais ça me fait penser. N'hésitez pas à nous écrire sur notre courriel, à notre courriel, pas de problème, @gmail.com, pour nous préciser vos problèmes. Mm-hmm. Tu sais, justement, est-ce que le locataire habite dans le même bloc, sont en haut, en dessous, tu sais, c'est... Pourquoi veux-tu qu'il parte? Ouais. Ben oui, c'est ça. Croit-il aux fantômes? Oui. Ben, fait que c'était pas mal ça, cette édition de Pas de problème. Hein? C'était génial. Vraiment, merci encore à Sonar. Oui, merci beaucoup de votre patience. Génial. You rock. Ah, ils ont tout pour eux. La beauté, la jeunesse. Ah, oui. Continuez à vous nous envoyer vos problèmes. Et suivez-nous sur Twitter. Et c'est ça. Fait que d'ici la semaine prochaine. Antoine. Vous avez un problème? Non, Mathieu. Je l'ai fait. Vous avez un podcast! Yeah! Vous avez un podcast!